Chapitre 10e. Les hésitations d'un méridien. Une agglomération de cabanes, d'isbas, de tentes à la surface d'un marais, une sorte de camp toujours menacé par les crues du Yukon et de la River, des rues aussi irrégulières que boueuses, des fondrières à chaque pas, non point une cité, mais quelque chose comme un vaste chenil, tout au plus bon à être habité par les milliers de chiens que l'on entend aboyer toute la nuit. Voilà ce que, sur la foi des légendes, vous pensiez être Dawson City, M. Skim. Mais le chenil s'est transformé à vue d'œil, grâce aux incendies qui ont déblayé le terrain. Dawson est une ville maintenant, avec des églises catholiques et protestantes, des banquets, des hôtels. Bientôt, il y aura deux théâtres, dont une salle d'opéra de plus de 2000 places, etc., etc. Et vous ne vous imaginez pas ce que nous sous-entendons, mais etc. Ainsi s'exprimait le docteur Pilcox, un anglo-canadien tout rond, d'une quarantaine d'années, vigoureux, actif, débrouillard, d'une santé inébranlable, d'une constitution sur laquelle aucune maladie n'avait prise et qui paraissait jouir d'incroyables immunités. Nommé, un an auparavant, directeur de l'hôpital de Dawson, il était venu s'installer dans cette ville si favorable à l'exercice de sa profession, puisqu'il semble que les épidémies s'y se donnaient rendez-vous, sans parler de la fièvre endémique de l'or, contre laquelle il était d'ailleurs vacciné au moins autant qu'un Semeskim. En même temps que médecin, le docteur Pilcox était chirurgien, apothicaire, dentiste, et comme on le savait aussi habile que dévoué, la clientèle affluait dans sa confortable maison de Front Street, l'une des principales rues de Dawson City. Bill Stell connaissait le docteur Pilcox. Il s'autorisait de ses relations pour lui recommander d'ordinaire les familles d'émigrants qui l'amenaient de Skagway au Klondike. Cette fois encore, il s'empressa de mettre, 48 heures après leur arrivée, Ben Raddle et Semeskin en rapport avec ce personnage très haut placé dans l'estime publique. Le Klondike possédait-il un autre habitant plus au courant de ce qui se passait dans le pays? Et si quelqu'un était capable de donner un bon conseil autant qu'une bonne consultation, un bon remède, c'était bien cet excellent homme. La première question de Semeskim fut relative à leur gentille compagne de voyage. Qu'était-elle devenue? Le docteur Pilcox les avait-il vus? Ne m'en parlez pas. Elle est prodigieuse, s'écria le docteur sur le mot lyrique, mais en s'exprimant au singulier. À l'arrêt la angoisse de Samy. C'est une perle, cette petite, une vraie perle. Et je suis ravi de l'avoir attirée jusqu'ici. Voilà deux jours à peine qu'elle est entrée à l'hôpital et l'a déjà transformée. Ce matin, en ouvrant une armoire, j'ai été littéralement ébloui par sa magnifique ordonnance, à laquelle je n'étais, je dois l'avouer, pas habitué. Intrigué, j'en ouvre une autre, trois autres, dix autres, toutes pareilles. Il y a mieux. Mes instruments sont nets et rangés à ravir, et la salle d'opération brille d'un éclat de propreté qu'elle n'avait jamais connu. Enfin, c'est à ne pas le croire, cet enfant a pris en quelques heures un ascendant invraisemblable sur le reste du personnel. Tout marche à la baguette. Les infirmiers et les infirmières sont à leur poste. Les lits, rangés avec art, ont un aspect qui réjouit l'œil. Jusqu'aux malades, Dieu me pardonne, qui semblent positivement mieux se porter. Ben Raddle paraissait tout heureux de ce qu'il entendait. Je suis charmé, docteur, des éloges que vous décernez à votre nouvelle infirmière. Cela prouve que je ne m'étais pas trompé sur son compte. Et mon opinion est que l'avenir vous réserve beaucoup d'autres agréables surprises. » Semeskim paraissait moins joyeux. Sa figure exprimait même une véritable inquiétude. « Pardon, pardon, docteur, » interrompit-il. « Vous parlez d'une jeune fille. Il y en a deux, si je ne m'abuse. »« Oui, c'est vrai, » reconnut en riant le docteur Pilcox. « Mais outre que je connaissais beaucoup celle qui est devenue mon infirmière, et pas du tout l'autre, c'est à peine si cette dernière m'a laissé le temps de l'apercevoir. » Arrivée à l'hôpital avec sa cousine, elle en est partie 10 minutes après, pour n'y revenir que vers midi, accoutrée en mineur, pique sur l'épaule et revolver à la ceinture. Hier matin, quand je me suis informé d'elle, j'ai appris qu'elle s'était mise en route presque aussitôt, sans dire un mot à personne. Et c'est par sa cousine que j'ai su qu'elle avait l'intention de prospecter comme un homme. « Ainsi, elle est partie, » insista Sammy. « Radicalement, » affirma le docteur, qui ajouta. « Je crois avoir vu plus d'un type singulier au cours de ma vie, mais j'avoue, n'en avoir jamais rencontré un seul de ce calibre. Pauvre petite, murmura Sammy, comment avez-vous pu la laisser s'engager dans une aventure aussi insensée? Mais le docteur n'écoutait plus Semeskim. Il avait entrepris Ben Raddle sur le chapitre de Dawson et il parlait d'abondance. Le docteur Pilcox était fier de sa ville et ne s'en cachait pas. Oui, répétait-il, elle est déjà digne du nom de capitale du Klondike que le gouvernement du Dominion lui a donné. Une capitale à peine bâtie, docteur, fit observer Ben Raddle. Si elle ne l'est pas, elle le sera sous peu, puisque le nombre de ses habitants s'accroît chaque jour. Elle en compte aujourd'hui ? Demanda Ben. Près de 20 000, monsieur. Dites 20 000 passants, docteur, et non 20 000 habitants. L'hiver d'Ausson doit être un désert. Pardonnez-moi, 20 000 habitants qui y sont établis avec leur famille et ne songent pas plus que moi à la quitter. Pendant que Ben Radle, au grand profit de son instruction, feuilletait le dictionnaire vivant qu'était le docteur Pilcox, Semmy gardait un silence attristé. Sa pensée était partie avec Jane Edgerton. Il la voyait sur la longue route sauvage, seule, abandonnée, sans autre défense que son indomptable volonté. Mais après tout, cela ne le regardait pas. Et cette fois, elle était bien libre d'aller chercher la misère et la mort, si tel était son caprice. Semmy, d'un haussement d'épaule, rejeta son souci loin de lui et intervint dans la controverse. « Cependant, fit-il observer pour pousser l'excellent docteur, je ne vois pas en Dawson ce qui caractérise habituellement une capitale. « Comment ? » s'écria le docteur Pilcox en se gonflant, ce qui le faisait paraître plus rond encore. « Mais c'est la résidence du commissaire général des territoires de Yukon, le major James Walsh, et de toute une hiérarchie de fonctionnaires telle que vous n'en trouveriez pas dans les métropoles de la Colombie ou du Dominion. « Lesquels, docteur ? » ?»« Un membre de la Cour suprême, le juge McGuire, un commissaire de l'or, M. Fawcett, Esquire, un commissaire des terres de la Couronne, M. Wade, Esquire, un consul des États-Unis d'Amérique, un agent consulaire de France, Esquire, acheva gaiement Semmy Skim. En effet, ce sont là de hauts personnages. Et pour le commerce ? Nous possédons déjà deux banques, répondit le docteur. The Canadian Bank of Commerce, de Toronto, que dirige M. Wills, et the Bank of British North America. C'est suffisant. Quant aux églises, Dawson City en a trois, M. Skim, une église catholique, une église de la religion réformée et une protestante anglaise. Voilà qui va bien pour le salut des âmes, et si celui des corps est aussi parfaitement assuré. Que pensez-vous pour cela, M. Skim, d'un commandant-chef de la police montée, le capitaine Stearns, un Canadien d'origine française, et du capitaine Harper à la tête du service postal, tous deux comptant une 60aine d'hommes sous leurs ordres? Je pense, docteur, répondit Semmy Skim, que cette escouade de police doit être fort insuffisante étant donné le nombre et la qualité de la population dawsonienne. On l'augmentera autant qu'il sera nécessaire, assura le docteur Pilcox, et le gouvernement du Dominion ne négligera rien pour garantir la sécurité des habitants de la capitale du Klondike. Il aurait fallu entendre le docteur prononcer ces mots, capitale du Klondike, et Semmy Skim de répondre, tout est donc pour le mieux. Mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous pose ces questions. La brièveté de mon séjour m'empêchera, je l'espère bien, d'apprécier comme il conviendrait les nombreux avantages de Dawson. Et pourvu que la ville possède un hôtel, je serais malvenu d'en demander davantage. Il y en avait au moins trois. Yukon Hotel, Klondike Hotel, Northern Hotel. Et Semmy Skim ne pouvait l'ignorer, puisque c'est dans le dernier que les deux cousins avaient leur chambre. Du reste, pour peu que les mineurs continuent d'affluer, les propriétaires de ces hôtels ne peuvent manquer de faire fortune. Une chambre coûte 7 dollars par jour et le repas 3 dollars chacun. On paye le service d'un dollar quotidien. Le prix d'une coupe de barbe s'élève à 1 dollar et celui d'une coupe de cheveux à 1 dollar et demi. Heureusement, fit observer Semmy Skim, que j'ignore le rasoir. Quant aux cheveux, je m'engage à rapporter les miens intacts à Montréal. Les chiffres précités montrent la cherté de la vie dans la capitale du Klondike. Qui ne s'y enrichit pas rapidement par quelques coups de chance est à peu près certain de s'y ruiner à court délai. Qu'on en juge par ses prix relevés sur les mercuriales du marché de Dawson City. Un verre de lait vaut 2,50 francs, la livre de beurre 5 francs, et il faut posséder 12,50 francs pour pouvoir acheter une douzaine d'œufs. La livre de sel coûte 1 franc, et la douzaine de citrons 25 francs. Quant aux bains, on les paye 12,50 francs s'ils sont ordinaires, mais le prix d'un bain russe s'élève à 160 francs. Semmy Skim se déclara résolu à se contenter de bains ordinaires. À cette époque, Dawson City s'étendait sur 2 kilomètres le long de la rive droite du Yukon, distante de 1200 mètres des collines les plus rapprochées. Ses 88 hectares de surface étaient divisés en deux quartiers séparés par le cours de la Klondike River, qui tombe là dans le grand fleuve. On y comptait 7 avenues et 5 rues se coupant à angle droit et bordées par des trottoirs en bois. Lorsque ces rues n'étaient pas sillonnées par les traîneaux, pendant les interminables mois d'hiver, de grosses voitures, de lourds chariots à roues pleines les parcouraient à grand fracas au milieu de la foule des chiens. Autour de Dawson City se succèdent nombre de jardins potagers dans lesquels poussent navets, chouraves, laitues, panais, mais en quantité insuffisante, d'où la nécessité de faire venir à grands frais des légumes du Dominion, de la Colombie ou des États-Unis. Quant à la viande de boucherie, c'était les bateaux frigorifiques qu'il apportait après la débâcle en remontant le Yukon depuis Saint-Michel jusqu'à Dawson City. Dès la première semaine de juin, ce Yukoner apparaissait en aval et les quais retentissent des sifflements de leurs sirènes. Mais l'hiver, le Yukon, enserré dans sa carapace de glace, est inutilisable et Dawson est, pendant des mois et des mois, isolé du reste du monde. Il faut alors vivre de conserve et demeurer confiné chez soi, la rigueur de la température interdisant presque complètement l'exercice à l'air libre. Aussi, le printemps revenu, les épidémies font-elles rage dans la ville. Le scorbut, la méningite, la fièvre typhoïde en déciment la population anémiée par une longue claustration. Cette année précisément, après un hiver tout particulièrement rigoureux, les salles de l'hôpital étaient encombrées. Le personnel ne pouvait suffire au travail. Et le docteur Pilcox avait mille raisons de s'applaudir de l'aide que lui apportait, dans une situation très difficile, sa nouvelle et précieuse recrue. À quel état la fatigue, le froid, la misère avaient-ils réduit ces pauvres gens venus de si loin? La statistique des décès s'élevait de jour en jour, et par les rues, des attelages de chiens traînaient incessamment des corbillards conduisant tant de malheureux au cimetière, où les attendait une tombe banale, creusée peut-être pour ces miséreux en plein minerai d'or. En dépit de ce lamentable spectacle, les Dawsoniens, ou tout au moins les mineurs de passage, ne cessaient de s'abandonner à des plaisirs excessifs. Ceux qui se rendaient pour la première fois au gisement, et ceux qui y retournaient, afin d'y refaire leurs gains dévorés en quelques mois, menaient grand bruit dans les casinos et dans les salles de jeu. La foule emplissait les restaurants et les bars pendant que des épidémies décimaient la ville. À voir ces centaines de buveurs, de joueurs, d'aventuriers de constitution solide, on n'eût pu croire que tant de misérables, des familles entières, hommes, femmes, enfants, succombèrent, terrassés par la misère et la maladie. Tout ce monde, avide de sensations violentes, d'émotions renaissantes, s'entassait dans les Folies Bergères, les Monte Carlo, les Dominions, les Eldorado, on ne saurait dire du soir au matin, d'abord parce que, à cette époque de l'année, aux environs du solstice, il n'y avait plus ni matin ni soir, et ensuite, parce que ces lieux de plaisir ne fermaient pas un seul instant. Là fonctionnaient sans interruption poker, monte et roulette. Là, on risquait sur le tapis vert non pas les dollars, les souverains ou les piastres, mais les pépites et la poussière d'or, au milieu du tumulte, des cris, des provocations, des agressions et quelquefois des détonations du revolver. Là se passaient des scènes abominables que la police était impuissante à réprimer et dans lesquelles des hunters, des Malone ou leurs pareils jouaient les premiers rôles. À Dawson, les restaurants sont ouverts jour et nuit. À toute heure, on y mange des poulets à 20 dollars la pièce, des ananas à 10 dollars, des œufs garantis à 15 dollars la douzaine. On y fume des cigares de 3 francs 50, on y boit du vin à 20 dollars la bouteille, du whisky qui coûte aussi cher qu'une maison de campagne. Trois ou quatre fois la semaine, les prospecteurs reviennent des claims du voisinage et gaspillent en quelques heures dans ces restaurants ou dans les maisons de jeu tout ce que leur ont donné les bouts de la bonanza et de ses tributaires. C'est là un spectacle affligeant, triste, où se manifestent les plus déplorables vices de la nature humaine, et le peu que, dès les premières heures, on observa Sam et Skim, ne put qu'accroître son dégoût pour ce monde d'aventuriers. Il comptait bien n'avoir pas l'occasion de l'étudier plus à fond, et sans perdre de temps, il mit tout en œuvre pour rendre si courte que possible la durée de son séjour au Klondike. Aussitôt après le déjeuner à Northern Hotel, le jour même de leur arrivée, Sammy interpella son cousin. « Avant tout notre affaire, dit-il. Puisqu'un syndicat nous a offert d'acheter le claim 129 de Forty Miles Creek, allons voir ce syndicat. »« Quand tu voudras, » répondit Ben Raddle. Malheureusement, au bureau de l'American and Transportation Trading Company, il leur fut répondu que le directeur, le capitaine Haley, était en excursion aux environs et ne reviendrait que dans quelques jours. Force fut donc aux deux héritiers de mettre un frein à leur impatience. En attendant, ils cherchèrent à se renseigner sur la situation approximative de leur propriété. Bill Stell était pour cela un cicérone tout indiqué. « Le Forty Miles Creek est-il loin de Dawson ?» lui demanda Ben Raddle. « Je ne suis jamais allé là, » répondit le scout, « mais la carte indique que ce creek se jette dans le Yukon à Fort Goodhue, au nord-ouest de Dawson City. » « D'après le numéro qu'il porte, » fit observer Sam et Skim, « je ne pense pas que le claim de l'oncle Josiah soit très éloigné. » Il ne peut l'être de plus d'une trentaine de lieues, expliqua le scout, puisque c'est à cette distance qu'est tracée la frontière entre l'Alaska et le Dominion et que le Claim 129 est en territoire canadien. Nous partirons aussitôt que nous aurons vu le capitaine Haley, déclara Sammy. C'est entendu, répondit son cousin. Mais les jours s'écoulèrent sans que le capitaine Haley reparût. C'est pour la dixième fois que Ben et Sammy, dans l'après-midi du 7 juin, quittaient le Northern Hotel et se dirigeaient vers les bureaux du syndicat de Chicago. Il y avait foule dans le quartier. Un steamer du Yukon venait de débarquer un grand nombre d'émigrants. En attendant l'heure de se répandre sur les divers affluents du fleuve, les uns pour exploiter les gisements qui leur appartenaient, les autres pour louer leurs bras à des prix très élevés, ils fourmillaient dans la ville. De toutes les rues, Front Street, où se trouvaient les principales agences, était la plus encombrée. À la foule humaine s'ajoutait la foule canine. À chaque pas, on se heurtait à ces animaux aussi peu domestiques que possible et dont les hurlements déchiraient l'oreille. « C'est bien une cité de chiens, cette Dawson, » disait Sammy Skim. « Son premier magistrat devrait être à Molos, et son vrai nom est Dog City. » Non sans choc, bousculade, objurgation et injures, Ben Raddle et Sammy Skim parvinrent à remonter Front Street jusqu'au bureau du syndicat. Le capitaine Haley n'étant pas encore de retour, ils se résignèrent à voir le sous-directeur, M. William Brawl, qui s'enquit de l'objet de leur visite. Les deux cousins déclinèrent leur nom. « Monsieur Sammy Skim et Ben Raddle, de Montréal. »« Enchanté de vous voir, messieurs, » affirma M. Brawl. « Enchanté, en vérité. »« Non, moins enchanté, » répondit poliment Sammy Skim. « Les héritiers de José Lacoste, propriétaire du Claim 129 de Forty Miles Creek, » suggéra M. Brawl. « Précisément, » déclara M. Ben Raddle. « À moins, » ajouta Sammy, « que depuis notre départ pour cet interminable voyage, ce maudit claim ait disparu. »« Non, messieurs, » répondit William Brawl. « Soyez sûr qu'il est toujours à la place que lui assigne le cadastreur sur la limite des deux États, sur la limite probable, du moins. »« Probable, pourquoi probable ? Et que venait faire là cet adjectif inattendu ?»« Monsieur, » reprit Ben Raddle, sans faire autrement attention à la restriction géographique de M. Brawl, « nous avons été avisés à Montréal que votre syndicat se propose d'acquérir le Claim 129 de Forty Miles Creek. »« Se proposait, en effet, Monsieur Raddle. » Nous sommes donc venus, mon co-héritier et moi, afin de reconnaître la valeur de ce claim, et nous désirons savoir si les offres du syndicat tiennent toujours. Oui et non, répondit M. William Brawl. Oui et non, s'écria Sammy Skim, consterné. Oui et non, répéta Ben Raddle. Expliquez-vous, monsieur. Rien de plus simple, messieurs, répondit le sous-directeur. C'est oui si l'emplacement du claim est établi d'une façon, et non s'il est établi d'une autre. En deux mots, je vais... Mais sans attendre l'explication, se met Skim de s'écrier. « Quelle que soit la façon, monsieur, il y a les faits. Notre oncle, Josiah Lacoste, était-il propriétaire de ce claim ? Et ne sommes-nous pas en son lieu et place, puisque son héritage nous est dévolu ?» Et à l'appui de cette déclaration, Ben Raddle tira de son portefeuille les titres qui attestaient leur droit à entrer en possession du claim 129 de Forty Miles Creek. « Oh !» fit le sous-directeur en refusant les papiers d'un geste. « Ces titres de propriété sont en règle, je n'en doute nullement. La question n'est pas là, messieurs. »« Où est-elle donc ?» demanda Sammy, que l'attitude un peu narquoise de M. Brawl commençait à agacer. « Le Claim 129, » répondit M. Brawl, « occupe sur le Forty Miles un point de la frontière entre le Dominion qui est britannique et l'Alaska qui est américaine. »« Oui, mais du côté canadien, » précisa Ben Raddle. « Cela dépend, » répliqua M. Brawl. « Le claim est canadien si la limite des deux États est bien la place qu'on lui a jusqu'ici assignée. Il est américain dans le cas contraire. Or, comme le syndicat qui est canadien ne peut exploiter que des gisements d'origine canadienne, je ne puis vous donner qu'une réponse conditionnelle. » Ainsi, demanda Ben Raddle, « il y a actuellement contestation au sujet de la frontière entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. »« Justement, messieurs, » expliqua M. Brawl. « Je croyais, » dit Ben Raddle, « que l'on avait choisi un méridien. » Le 141e comme ligne de séparation. On l'a choisi effectivement, messieurs, et avec raison. Eh bien, reprit Sammy Skim, je ne pense pas que les méridiens changent de place, même dans le Nouveau Monde. Je ne vois pas le 141e se promener de l'est à l'ouest la canne à la main. C'est entendu, approuva M. Brawl en riant de la vivacité de Sammy. Mais peut-être n'est-il pas exactement où on l'a tracé. Depuis deux mois, des contestations sérieuses se sont élevées à ce sujet. « Et il serait possible que la frontière dût être reportée un peu plus à l'est ou un peu plus à l'ouest. »« De quelques lieux ?» demanda Ben Raddle. Non, de quelques centaines de mètres seulement. Et c'est pour ça qu'on discute, s'écria ce mesquin. On a raison, monsieur, répliqua le sous-directeur. Ce qui est américain doit être américain et ce qui est canadien doit être canadien. Quel est celui des deux États qui a réclamé ? Demanda Ben Radle. Tous les deux, répondit M. Brawl. L'Amérique revendique vers l'Est une bande de terrain que le Dominion revendique de son côté vers l'Ouest. « Eh, by God !» s'écria Sammy. « Que peuvent, après tout, nous faire ces discussions ?»« Cela fait, répondit le sous-directeur, que si l'Amérique l'emporte, une partie des claims du Forty Miles Creek deviendra américaine. Et le 129 sera de ceux-là, sans aucun doute, puisqu'il est le premier de la frontière actuelle, répondit M. Brawl. Et dans ces conditions, le syndicat retirerait ses offres d'acquisition. » Cette fois, la réponse était claire. « Mais au moins, » demanda Ben Radle, « a-t-on commencé cette rectification de frontières ?»« Oui, monsieur. » Et la triangulation est conduite avec une activité et une précision remarquables. Si les réclamations se faisaient pressantes de la part des deux États, pour une bande de terrain en somme assez étroite le long du 141e degré de longitude, c'est que le terrain contesté était torrifère. Savait-on si à travers cette longue bande, du mont Healy au sud à l'océan Arctique au nord, ne courait pas quelques riches veines dont la République fédérale serait tirée aussi bon profit que le Dominion. « Pour conclure, M. Brawl, demanda Ben Radle, si le claim 129 reste à l'est de la frontière, le syndicat maintient ses offres parfaitement. Et si au contraire il passe dans l'ouest, nous devrons renoncer à traiter avec lui, c'est cela même. » « Eh bien, déclara ce mesquim, nous nous adresserons à d'autres dans ce cas. Si notre claim est transporté en terre américaine, nous l'échangeons contre des dollars au lieu de l'échanger contre des livres sterling, voilà tout. » L'entretien prit fin sur ces mots, et les deux cousins revinrent à Northern Hotel. Ils y retrouvèrent le scout qui fut mis au courant de la situation. « Dans tous les cas, leur conseilla-t-il, vous feriez sagement, messieurs, de vous rendre à Forty Miles Creek le plus tôt possible. »« C'est bien notre intention, » dit Ben Radle. « Nous partirons dès demain. »« Et vous, Bill, qu'allez-vous faire ?»« Je vais retourner à Skagway, afin de ramener une autre caravane à Dawson City. Et vous serez absent 2 mois environ. Nous comptons sur vous pour le retour. C'est entendu, messieurs. Mais de votre côté, ne perdez pas de temps si vous voulez quitter Klondike avant l'hiver. Fiez-vous à moi pour cela, Bill, affirma Sammy avec chaleur. Bien qu'à vrai dire, nous ayons reçu dès le début une tuile de forte taille. Il y aura des acheteurs moins vétilleux, affirma Ben Radle. En attendant, rendons-nous compte par nous-mêmes. Eh, mais j'y pense, interrompit Sammy. Nous allons retrouver là-bas notre charmant voisin. Ce Texien Hunter, acheva Ben Radle, et M. Malone, des gentlemen très distingués. Dites des gens de sac et de corde, M. Skim, rectifia Bill Stell. Ils sont bien connus à Skagway et à Dawson. Ce sont vos voisins, en effet, puisque le claim 131 est mitoyen du vôtre, quoique de l'autre côté de la frontière actuelle, et c'est là pour vous un bien fâcheux voisinage. D'autant plus, ajouta Ben Radle, que Semi a déjà eu l'occasion de donner une sévère correction à l'un de ces messieurs. Voilà qui n'est pas fait pour faciliter nos relations futures. Bill Stell semblait soucieux. Vos affaires ne sont pas les miennes, messieurs, dit-il d'un ton sérieux. Permettez-moi cependant de vous donner un conseil. Faites-vous accompagner pour aller au claim 129. Si vous voulez Neluto, je le mets à votre disposition, et ne partez que bien armé. En voilà des aventures, s'écria Semi en levant les bras au ciel. Quand je pense que si nous étions restés tranquillement à Montréal, notre claim serait vendu à l'heure présente, puisque le marché aurait été conclu avant ces stupides contestations de frontières. Et moi, je me prélasserais à Green Valley. Tu ne vas pas encore récriminer, je suppose, objectait Ben Radle. J'ai ta promesse, Sammy. D'ailleurs, si tu étais resté à Montréal, tu n'aurais pas fait un voyage intéressant, passionnant, extraordinaire. Qui m'indiffère totalement, Ben. Tu ne serais pas à Dawson, dont je ne demande qu'à m'éloigner, Ben. Tu n'aurais pas rendu service à Edith et à Janet Gorton. Sammy serra avec vigueur la main de son cousin. Veux-tu que je t'apprenne une chose, Ben? Eh bien, parole d'honneur, voilà le premier mot sensé que tu prononces depuis 2 mois, dit-il, tandis que son visage s'illuminait subitement d'un large et franc sourire.